La Méduse par Horace von Hoffel. Mon père, raconta le lieutenant Deleuze, était un grand collectionneur. Sa demeure était remplie de panoplies et de trophées militaires. Nous appartenons à une famille de soldats. Un de mes ancêtres combattit à Rocroi. Mon arrière-grand-père parcourut toute l'Europe le sabre au poing. Il servit d'abord en Autriche. Après Gemappe, il passa en France où il devint capitaine. En 1815, il était colonel d'un régiment hollando-belge. Mais en 1831, à Louvain, il chargea ses anciens camarades et les Hollandais sans scrupule. Léopold Ier le mit à la tête des fameux Cosaques de la Meuse. Mon père me donna une singulière éducation. Il me fit apprendre l'escrime, l'équitation et le tir au pistolet, en oubliant tout le reste. Longtemps après, je m'aperçus que j'étais en retard de 3 siècles sur mes contemporains. Les trésors de notre petit musée m'émerveillaient. Il y avait d'énormes fusils à pierre aux canons reluisants, des sabres de toutes les formes et de toutes les catégories, des briquets, des cimeters, des glaives républicains, des lattes de la cavalerie lourde et des épées d'officier. Les coiffures occupaient toute une salle. Les gigantesques shakos et les colbacs hirsutes de la garde y voisinaient avec des bicornes à la soubarobe, des képis, des talpacs, des chapkas, des mirlitons de hussards et des mitres dorées du temps de la guerre en dentelle. Il y avait aussi des morions, des bourguignottes, des cuirasses et des tambours dont la caisse était ornée de jolies peintures. Quelques-uns de ces instruments avaient l'élégance et la grâce d'un gros œuf de Pâques décoré par Watteau ou Fragonard. On y voyait des bergers, des bergères, des écussons, des devises ou simplement des fleurs de lys. Mais tout cela n'était rien. Comparé aux gravures et aux images d'Épinal, accrochées un peu partout entre les baïonnettes, les gibernes, les fifres, les hampes, les poires à poudre, les tonnelets de cantinières et les sabretaches. Les unes représentaient les sièges et les combats pompeux du règne du roi Soleil, les autres toutes les batailles de la République et de l'Empire, le pont d'Arcole, Rivoli, Castiglione, les pyramides, Marengo, Austerlitz, Wagram, Iéna, Eylau, la Moscova, Bautzen, Lützen, Leipzig, Waterloo. Il y avait aussi des tableaux qui rappelaient la conquête de l'Algérie, Sébastopol, Magenta et l'année terrible. Je revois toujours une escarmouche de Niederbronn et une bataille de Wörth avec MacMahon assis sur un grand cheval blanc cabré sous le vent de la défaite. Ainsi, les histoires de guerre ont été le seul jeu de mon enfance. Elles m'ont servi de conte de fées d'abord, de romans d'aventure et d'amour ensuite. Jamais je ne m'imaginais que l'on pût être autre chose que soldat. Pour moi, la guerre était la fête des mâles, le gai sacrifice, vers lequel on marchait en chantant, vêtu de fer, d'argent et d'or. Avec de pareilles idées, vous pensez bien que je n'hésitais pas quand vint le moment de me choisir une carrière. À 20 ans, j'étais sous-lieutenant dans un régiment de lanciers. Les premières années que j'y passais furent heureuses. J'étais fier de mon uniforme, de mon métier. Puis, l'inaction me pesa. Toujours des inspections et des manœuvres. Il me sembla que j'étais devenu une sorte de fonctionnaire galonné, préposé à la garde des chevaux et des armements de l'État. Je me mis à désirer ardemment de vivre une grande aventure. Je pense que nous étions des milliers en Europe à désirer cela, par ennui, par désœuvrement. Et c'est peut-être pour cela que la grande aventure a fini par venir. Quoi qu'il en soit, la guerre éclata à un moment très mal choisi pour moi. Je venais de me casser une jambe au concours hippique d'Ostende. Pendant que mes camarades se rendaient à Liège, je dus rejoindre notre dépôt avec les recrues et les invalides. Je n'arrivais au front qu'en 1915, 6 mois après la retraite d'Anvers. Le jour de ma première visite aux tranchées de l'Isère, le temps était clair et doux. Le canon tonnait faiblement. Les officiers me reçurent dans leur abri. Ils se mirent à rire de mon grand sabre et de mon revolver que j'avais cru devoir apporter. « Je voudrais me rendre compte, » leur dis-je, « rien de plus facile. » Ils me conduisirent à l'observatoire de l'artillerie. C'était au-dessus des ruines d'une maison bombardée. Je m'approchai tout de suite d'une meurtrière. J'étais ému. Le rêve de toute ma jeunesse, de toute ma vie, allait se réaliser. Enfin, j'allais voir. J'allais voir un champ de bataille, un vrai champ de bataille. Le plus vaste champ de bataille qui ait jamais existé. J'allais voir en face ce terrible visage de Méduse qui avait changé mon pays en un désert de boue et de pierre. J'allais voir. Je me penchai. Alors je vis une immense plaine, et sur cette plaine rase, il n'y avait rien.